Chapitre 13. Un silence de mort pesait dans le petit appartement et personne n'osait le briser. Tous les Nikéens à présent étaient bouche bée, comme nourris par cette histoire qui, page après page, les avait tenus en haleine et s'était achevée en leur brisant le cœur. Estomaquée, Zélé n'avait plus touché à son bol depuis longtemps. Elle avait commencé sa lecture en piquant quelques fruits aux racines et avait parlé la bouche pleine sans gêne. Seul Zoku, imprégné de l'étiquette upléenne, en avait été sidéré. Puis au fur et à mesure qu'elle avait tourné les pages, son appétit s'était évaporé, tant son esprit avait été envoûté par le récit, au même titre que son auditoire. Elle regrettait les pensées qu'elle avait eues à bord de la Gilgo. Lorsqu'elle rapproche de Nikéas la boîte noire de Zoku avait retourné que la planète accueillait la vie, elle s'en était réjouie, pensant que la présence de vie était merveilleuse, même malgré l'exploitation dont lui avait parlé Ormaïn. Comme elle s'était trompée. Elle était citoyenne du comète. La violence, l'injustice, l'oppression n'étaient pas des concepts auxquels elle était confrontée. Elle en connaissait la signification, mais uniquement en théorie. Réalisant ce que cela donnait en pratique, elle changea d'avis. Les vies misérables, comme celles des compagnons de Carsium, ne valaient pas la peine d'être vécues. Nikéas aurait dû rester un caillou mort. Quand Zélé eut refermé le carnet, ses yeux se posèrent sur une foule qui envahissait le petit appartement. La porte n'avait pas été repoussée. Quelques badauds avaient commencé à s'amasser, curieux d'écouter, n'ayant jamais assisté à tel spectacle. Cela avait finalement conduit à un véritable attroupement dans le tunnel, les Nikéens se bousculant dans l'encadrement. Dans la première partie lue par Zélé, Ormaïn avait fait un lien entre l'évocation de cet oiseau de mauvais augure qu'avaient aperçu les Penryn et son crash en vaisseau spatial sur Upléas. Dans les deux cas, être témoin d'un vol fracassant avait ouvert la voie d'interrogation et mené à un voyage. Dans le premier cas, ce voyage leur avait coûté la vie. Dans le second, ils seraient amenés à en connaître l'issue dans peu de temps, et qu'ils se trouvassent là, où les premiers avaient péri, n'était pas pour rassurer Ormaïn. La princesse avait-elle aussi fait le rapprochement? Il tenta de rencontrer son regard en vain. Les résistants n'étaient pas habitués à supporter une atmosphère lourde dans leur tunnel. Ils se dépêchèrent de la détendre en lançant les premières blagues qui leur venaient à l'esprit. « Eh ben bébé, on sait pas prononcer son nom comme il faut? C'est Karoa alors qu'on doit t'appeler maintenant ?» Quelques bons amis de Karoa, arrivés tardivement, avaient reconnu le carnet et venaient le questionner sur ce que cela signifiait. La princesse était éreintée par sa lecture, qui avait duré si longtemps. L'après-midi était bien avancé. Affalée dans sa souche, elle ne comptait pas bouger. Elle se sentait lasse, au-delà de toute la fatigue que son corps avait pu ressentir durant sa vie. Elle avait beau gober les morceaux de fruits, la maigre pitance que son organisme était capable d'ingérer ne suffisait pas à la remettre d'aplomb. Lire ainsi, à haute voix, tout un texte était également une première qui l'assommait. Si son implant avait fonctionné, la lecture de ce carnet ne lui aurait pris que quelques minutes, le temps de parcourir des yeux les pages. C'était son absence de connexion aux Rezarques qui la plongeait dans cette léthargie. Elle devait suivre le cours naturel des choses. Aucune technologie ne lui permettait d'accélérer son interaction avec le monde réel, et cela éprouvait sa patience. Maintenant qu'elle était tourneboulée par davantage de découvertes qui mystifiaient Nikéas encore plus, les idées grouillaient dans sa tête, sans qu'elle pût faire le ménage, et chercher quelques éléments de réponse. En parallèle de ses interrogations, elle angoissait de ce qu'il devait se passer au palais en ce moment, si ses leurres avaient été déjouées ou non. L'épuisement et la panique qui la maintenaient entre deux feux la rendaient irritable. Le brouhaha causé par les Nikéens l'agaçait, elle était encore assez consciente des bonnes manières pour ne pas leur hurler de se taire. Aucun de ses compagnons ne semblait gêné par le bruit, au contraire, il l'amplifiait. Elle s'enferma dans la chambre de Karoa, juste après avoir fait savoir qu'elle reportait au lendemain la visite des camps. Elle n'était pas en état de se promener à la surface. Zoku était devenu le maître d'hôtel de l'héritière. Il avait été sommé de la ravitailler encore en aliments. L'Upléen était triste de l'avoir s'isoler. Sans elle, il ne pouvait plus rien comprendre des conversations résonnant autour de lui. Il avait cru un instant pouvoir s'occuper en relisant le carnet, et celui-ci fut récupéré par Karoa en fin de journée, qui tenta sa chance auprès de Zélé en lui demandant de lui lire les premières pages pour qu'il fît le lien entre la lecture et les symboles manuscrits. Quand il avait exposé son idée, Formain lui rétorqua que c'était impossible puisque la langue écrite n'était pas celle qu'il parlait. Mais cela ne parut pas un argument suffisamment convaincant pour refroidir le bon Nikéen, ni Zélé. Celle-ci avait accepté de laisser rentrer au début de soirée, dans sa propre chambre, et Zoku et Ormain se retrouvèrent de nouveau seuls pour cette fin de journée, pour cette deuxième fin de journée. C'est donc ce sort qu'ont connu mon épouse et ma fille. Elles ont été tuées pour finir en chair à pâté pour carniste. Ils ont tué Xenia dès qu'ils l'ont capturée et Makirada a été gardée le temps qu'elle grandisse et a fini de la même manière. Elles sont mortes et leurs cadavres ont été vendus en morceaux, s'inquiéta Ormain. Zoku écoutait Ormain. Il voyait qu'il devait être en train de se confier ou de lâcher ce qu'il avait sur le cœur, puisque des larmes commençaient à couler de ses yeux. Il ne trouva qu'à lui tapoter l'épaule en arborant un air compatissant. « Tu ne comprends pas ce que je dis, c'est ça? Ton implant ne fonctionne plus non plus ?» demanda Ormain à Zoku. « Ormain, sans mon implant, pour traduire ce que tu dis, la communication entre nous va être impossible. » Je ne comprends pas pourquoi Zélé parvient à parler ta langue sans son implant. Tout ce que l'on apprend post-implantation est stocké dedans. Tout le vocabulaire que Vel a appris avec toi ne devrait plus la être accessible. Il faut changer la configuration par défaut et choisir d'apprendre plutôt que de stocker dans l'implant. Et très peu de personnes la font. Zélé n'est pas de celle-là. Vel ne modifie jamais les paramètres. À tort. Mon implant fonctionne encore. Je peux encore comprendre ce que tu dis. S'exclama Ormain. Mais pour combien de temps? Et comme tu ne sais pas que je te comprends, ça n'est pas très utile. Ça ne m'étonne pas autant que toi que Zélé puisse parler ma langue. Elle m'a très vite compris quand nous avons fait connaissance. Son apprentissage a été facile. Ces images de Xenia et de Makirada dans ma tête, j'en ai la nausée. Dans la seconde chambre de l'appartement, Zélé avait cessé de lire à haute voix le carnet de Karoa et tentait de respirer pour libérer son œsophage, qui ne pouvait accueillir plus de bouillie de racines, bien qu'elle sentait encore son corps faible. Elle trouvait la nourriture délicieuse. Jamais son implant n'avait pu reproduire une sensation si agréable à l'ingestion des pilules. Ce n'était donc pas la saveur qui la freinait, mais bien son estomac atrophié. Assise sur la paillasse, elle observait son compagnon suivre les lignes du carnet, du bout de sa griffe, la lèvre inférieure articulant à demi. Sans son implant, une seule pensée à la fois, elle avait l'impression d'avoir le cerveau vide, et d'être revenu à un âge de fer, où l'esprit est dépendant des actions du corps, enchaîné au matériel. Même dormir ne pouvait lui apporter le repos auquel elle aspirait, puisqu'elle avait pris l'habitude de diviser son esprit pendant ses phases de sommeil. Elle ne pouvait se cacher de Zoku et Ormain indéfiniment. Elle devait être en état d'aller à la surface pour apercevoir les camps à l'aube. En début de journée, elle avait pu adopter une attitude normale, faire fi de l'impression de trous noirs creusés dans son cerveau, à la suite de la déconnexion au Rezark. Si elle voulait être en mesure de terminer son séjour sur Nikéas et reprendre la route pour sa planète sans tarder, une seule solution s'offrait à elle, et avec sa capacité de jugement actuelle, elle n'y voyait aucune objection. Karoa commençait à sentir le regard de la princesse peser sur lui, et tourna la tête en sa direction. Il n'en fallut pas plus pour que Zélé le renversa et l'embrassa à pleine bouche sans lui laisser le temps de dire mot. Un peu mieux préparé à cet assaut qu'à celui de la veille, qui lui avait fourni une première expérience, le Nikéen répondit aux caresses de Zélé et se laissa faire quand elle lui en demanda plus. Dans cette étreinte, Zélé y trouva l'évasion qu'elle recherchait, et Karoa connut de nouvelles sensations, comprenant qu'il expérimentait le lien fort et unique que les Nikéens rencontraient une fois dans leur vie. Zélé s'éveilla enlacé par les bras de Karoa, et le réveilla en s'en extirpant. La princesse trouva dans la pièce principale Zoku, dormant à poings fermés, et Ormain, agité par un cauchemar. Sa main se promena sur son front pour le ramener en douceur à la réalité, et quand ses yeux s'ouvrirent, il lui en fut reconnaissant. Les visions du massacre de sa famille ne quitteraient plus ses nuits. Tous les quatre se rendirent dans la salle commune pour prendre un petit déjeuner copieux, sauf la princesse qui picorait du mieux qu'elle pouvait, mais trois bougées suffisaient à la caler définitivement en un repas. Si son ingestion ne s'était pas améliorée, elle remarquait que sa personnalité était presque intacte pour le moment, grâce à la nuit passée. Karoa était enjouée et ne lâchait plus Zélé d'une semelle, l'étreignant dès qu'il le pouvait. Elle calmait alors ses ardeurs avec la plus grande diplomatie. Le doute sur une relation intime entre ces deux-là n'était plus permis. Ormaïn ravala sa jalousie, était suffisamment déchiré par le sort funeste de sa famille pour être atteint par cette idylle, sauf si cela empiétait sur le déroulement initial de leur séjour. Aller visiter les camps, comme les résistants les appelaient entre eux, ne plaisait absolument pas à Ormaïn. En tant qu'habitant des galeries, il ne devait jamais se faire repérer par les mercenaires, et maintenant, Karoa, cette tête brûlée, avait convaincu Zélé de les filmer. Ce ne pouvait être que Karoa qui avait farci la tête de Zélé avec une telle idée. Le but initial de leur voyage avait été de constater par eux-mêmes la véritable nature du crime manichéen, et au fur et à mesure, tout dérivait. Que Zélé voulut désormais des preuves pour constituer un dossier ne pouvait être qu'un argument de Karoa pour la convaincre de se lancer dans une mission suicide. Leur excursion ne demandait pas de paquetage. Un sac avec des provisions, qui servirait surtout à Zélé qui s'alimentait en continu, serait leur seul fardeau. Karoa tint à ce que chacun se munisse d'un lance-pierre, seule arme des résistants, au cas où ils auraient à fuir les mercenaires. Seul Zélé s'était muni d'une véritable arme, le poignard qu'elle avait récupéré la veille, fixé à sa ceinture. Tout le monde est prêt ? Demanda Kawa. Oui, répondit Zélé. Mais oui, fais pas ton chef, Kawa, s'énerva Ormaïn. Zoku hocha la tête, avec la traduction de Zélé. Alors que tous les membres du cortège réduit venaient de répondre par l'affirmative à sa question, Kawa resta interdit en les observant d'un air sceptique. En fait, je crois pas. Qu'est-ce que tu racontes, Kawa ? Tu joues tout le temps les casse-cou et maintenant tu ne veux plus partir ? C'est pas ça, Ormaïn. Mais vous avez pas comme l'impression de sortir du décor ? Que veux-tu dire, Karoa ? Lui demanda Zélé. Vos fringues, Tatillon. Moi, je suis habillé normalement, mais vous, là, avec vos tuniques de rois et reines, vous pensez pas qu'on va se faire repérer ? Parce que là, même les esclaves des camps hein, vont vous regarder d'un air louche. Rubis sacré, il a raison. Et tu ne pouvais pas le dire avant, s'impatienta Ormaïn ? Non, ça me vient que maintenant, Ormaïn. Dans la penderie, Ormaïn trouva ses anciens vêtements, qu'il enfila par-dessus sa tunique upléenne. Un gilet jaune, aux manches courtes et à col large, qui descendait jusqu'à la ceinture, et son pantacourt en chanvre. Il prêta une autre tenue à Zoku, qui faisait presque la même taille. Zélé s'absenta dans la chambre de Karoa, le temps d'enfiler quelques vêtements de Xenia, qu'Ormaïn avait conservés. Malgré des cols trop larges ou des manches trop courtes, qui laissaient transparaître les tenues plus élaborées qu'il portait en dessous, le niveau de camouflage nécessaire était atteint. Maintenant, nous pouvons partir, conclut Karoa. Jamais Ormaïn n'avait vu Karoa jouer les chefs de la sorte, et son attitude commençait à lui taper sur les nerfs. Zélé, elle, ne semblait pas s'en soucier, et Zoku, accoutumé à suivre, obéissait sans réfléchir. Les résistants étaient persuadés que les mercenaires ignoraient leur existence. Ils ne montaient à la surface que très rarement pour chercher de la nourriture et se faisaient toujours très discrets. Si les mercenaires s'étaient rendus compte de quelque activité étrange, ils seraient passés à l'action depuis longtemps. Les résistants savaient à quelle vitesse les mini-révoltes dans les camps étaient traitées. Alors comment des groupes parvenaient-ils à vivre et à s'organiser sous la surface depuis des années ? Justement parce que les mercenaires ignorait tout de cela. Les cicatrices de Karoa venaient de ses rencontres avec leurs oppresseurs, qui avaient mal tourné, ou quand il avait sous-estimé ses adversaires. Malgré les remontrances depuis son enfance, Karoa n'avait jamais obéi à ces règles simples et évidentes, permettant la sécurité de tous, ne jamais se faire voir des mercenaires. Dans le cas où cela arrivait, il fallait rentrer à l'abri des tunnels par une autre trappe de secours. Celles-ci étaient des trappes d'accès très éloignées du centre, où toutes les galeries se retrouvaient. Les tunnels de secours étaient de véritables labyrinthes, truffés d'impasses, où même un Nikéen, ayant un sens de l'orientation inné et très poussé, aurait pu douter de la direction à prendre. Dans l'idéal, ces trappes n'avaient jamais à être utilisées, puisqu'à partir du moment où les mercenaires trouveraient un tunnel, même s'ils ne venaient pas jusqu'à la résistance, ils comprendraient bien que ce réseau souterrain n'était pas l'œuvre d'une seule personne. Comme Karoa jouait beaucoup avec le feu en provoquant les mercenaires, il avait toujours fermement nié qu'il les narguait. La vie générale le croyait, mais Ormaïn avait de sérieux doutes. Il ne le connaissait que trop bien. Suite à trop de curieuses rencontres par simple coïncidence, Ormaïn avait obtenu de lui interdire toute sortie pour la cueillette. mais ce n'était pas pour cela qu'il n'avait plus de nouvelles cicatrices. Caro a continué de monter à la surface, à l'insu de tout le monde, et a bravé le danger. Ils marchèrent près d'une heure dans les galeries, le temps d'arriver à une trappe de secours située à proximité d'un camp. Caroa lorgna les alentours tel un périscope, la tête seule dépassant du trou. Et quand il estima le périmètre vierge de tout mercenaire, il fit signe aux autres de grimper l'échelle. Au travers des troncs d'arbres, au milieu desquels débouchait la galerie, ils aperçurent diverses huttes éparpillées çà et là dans une clairière. Ils s'approchèrent, prudemment, et se couchèrent sous un gros buisson, pour se camoufler et observer sans risquer d'être aperçus. Chaque hutte était construite dans un style différent. Les éléments de base étaient toutefois les mêmes. Les fenêtres sans vitres s'obstruaient par un volet battant. Les portes étaient faites en paille, tressées. Les murs étaient en rondins de bois et les toits constitués de branchages. Ils entrevoyaient beaucoup d'enfants qui jouaient et peu d'adultes. Deux femelles discutaient devant une cabane, un mâle s'avançant vers le camp depuis l'opposé de la clairière, portant ce qui devait être des seaux d'eau, et un groupe formé des deux sexes restaurait une hutte, au toit effondré par la chute d'une lourde branche. Le rue était situé près des arbres qui délimitaient la clairière. Un potager était cultivé non loin. En observant les cultures, Zélé se tourna vers Caroa et Ormaïn en leur adressant un regard suspicieux. Elle n'eut pas besoin de poser sa question pour que tous deux s'offusquent et affirment immédiatement que jamais les résistants ne venaient voler dans les potagers des camps. Ils effectuaient leurs cueillettes en forêt, parmi les plantes sauvages, nulle part ailleurs. Ils possédaient également, dans les galeries, des espaces réservés aux cultures. L'absence de clôture étonna beaucoup Zélé. Et ce fut une nouvelle question qu'elle posa verbalement cette fois-ci. Apparemment, les esclaves vivant dans les camps, ainsi désignés par les résistants car les esclaves les nommaient villages, n'essayaient pas de fuir, puisqu'ils n'avaient nulle part où aller, et que les rares qui essayaient une percée dans la nature se faisaient vite épingler et étaient ramenés dans leur village dans un tel état que cela passait l'envie à n'importe qui de tenter sa chance. Une fois amochés, estropiés, ces esclaves n'avaient aucune valeur marchande, mais au lieu de les supprimer, les mercenaires les laissaient vivre toute leur vie dans les camps, pour que tous gardent bien en tête ce qui les attendait s'ils n'obéissaient pas. Il y avait encore quelques rescapés, mais ils vieillissaient, et les jeunes faiseurs de troubles étaient très très rares. Le phénomène semblait revenir par cycle. Quand une génération n'avait pas connu d'anciens rebelles, elle ne croyait pas les dires de leurs aînés et testait amèrement d'elle-même le prix d'une révolte. Le cycle était bien rodé. Zélé observa les enfants. Elle était exactement ainsi quand elle était plus petite. À observer davantage de Nicéens, elle chercha les différences physiques qui les opposaient aux Nubléens. Les femelles nicéennes n'ont pas les yeux jaunes. Les Upléens, femelles et mâles, ont tous les yeux jaunes, remarqua Zélé. Ah bon? Non, chez nous les mâles ont les yeux jaunes et les femelles ont les yeux et le cuir de couleurs diverses, répondit Kawa. Zélé voulut absolument faire le tour du camp pour en voir davantage et permettre à Zoku de mémoriser avec sa visière le plus d'informations possible. Le groupe de quatre se divisa en deux, Caroa accompagnant la princesse, laissant Ormaïn maudire son colocataire auprès de Zoku. Pourquoi n'est-il que des mâles dans les galeries? Vous êtes tous des masculinistes qui veulent instaurer leur règne patriarcal? Demanda Zélé. Non, ça n'a rien à voir, quoique je plaisante. Ceux qui vivent dans les galeries sont des enfants trouvés, des nourrissons abandonnés dans la nature, comme Ormaïn. Et quasiment à chaque fois, ce sont des garçons, expliqua Caroa. Quasiment? Demanda Zélé. Il arrive qu'il y ait des filles, mais dans ce cas-là, on ne les garde pas. On les dépose près d'un camp, et les esclaves la récupèrent. Sais-tu pourquoi ces enfants sont abandonnés? Non. Peut-être que certains esclaves préfèrent abandonner leurs gosses plutôt que qu'ils finissent comme eux, supposa Caroa. Tapis au sol, sous de larges feuilles, Zélé espérait aussi qu'un mercenaire ramènerait sa silhouette dans ce tableau pour alimenter le dossier qu'elle présenterait à sa mère dès leur retour. Tout ça ne me dit pas pourquoi vous ne prenez pas les filles abandonnées parmi vous, continua Zélé. Nous sommes suffisamment nombreux là-dessous, hein, sans avoir besoin que des femelles fassent des enfants. Enfin, que des couples en fassent, hein, maintenant que je sais comment ça marche. On trouve largement assez de bébés dans les fougères pour avoir du sang neuf, expliqua Caroa. Pourtant, Ormaïn était mariée. Ouais, Et je peux te dire que ça a fait un raffut pas possible quand c'est arrivé. Je ne me rappelle pas, hein, bien sûr, mais en grandissant, ça continuait à jaser dans les galeries, et j'ai fini par piger. Ormaïne, un jour de cueillette, a trouvé Xenia inconsciente, et dans un sale état. On a un trou entre la fin du carnet et ce jour-là. Va savoir ce qui s'est passé. De ce que je sache, elle n'en a jamais parlé. Bref, il l'a ramenée. On pensait qu'elle venait d'un camp et aucun adulte de là-bas n'avait jamais mis les pieds dans les galeries. On pouvait pas la renvoyer. Elle aurait sans aucun doute parlé de la résistance aux autres. Et ça aurait été un foutoir pas possible. T'imagines? Tous les esclaves qui se pointent pour se planquer sous terre. C'est sûr qu'en moins de deux, les mercenaires nous seraient tombés dessus. Explique à Karoa. Je reconnais bien Ormaïn là, se sentant obligé de venir en aide. Disait-les. En aide, il a bien failli tous nous condamner, ouais, avec cette histoire. Et quand elle a disparu, ils ont vécu dans la peur qu'elle soit partie, tout dire à ce décamp. Moi, j'étais trop jeune, je me souviens pas de ces événements. Il y a qu'Ormaïn qui croyait qu'elle s'était faite choper par les mercenaires. Tu ne penses pas que ce soit le cas? Maintenant que nous avons lu le carnet, ils la connaissent? Non, sûrement pas. Reprit Karoa. Pour se faire choper par les mercenaires, il n'y a qu'une possibilité, être à l'extérieur pour la cueillette. Elle n'était pas de cueillette ce soir-là. Et puis leur gosse a disparu avec elle. Elle prenait jamais la gosse pour aller à la surface. C'était interdit de toute façon. Il y a des trucs louches et Ormaïn continue à penser que sa Xenia et sa fille sont des victimes. Sa fille, ouais, bien sûr, mais Xenia, je dis qu'elle s'est barrée volontairement. Pourquoi aurait-elle fait ça? S'étonna Zélé. Elle aurait quitté la galerie pour retourner vivre dans sa contrée, à l'autre bout de la planète? J'en sais rien. Mais les galeries, vivre enfermées là-dessous, sans la lumière du jour, il y en a qui m'ont dit que c'était pas pour elle, que ça se devinait rien qu'en la regardant. C'est déjà pas un truc pour moi, et j'ai été élevé sous terre, alors imagine, pour une fille adulte comme elle, se retrouver cloîtrée et commandée, ça le fait pas. Maintenant, ouais, je crois qu'elle a tenté de rentrer de là où elle, d'où elle venait. Son monde merveilleux, là. Tu n'as pas l'air de trop l'aimer, fit remarquer Zélé. C'est pas ça. Enfin, de ce que la majorité raconte d'elle, je dois dire que j'en ai pas une super impression. Beaucoup la sentaient pas, c'est tout. Avec ce que tu as lu dans le carnet, je vois les choses autrement. On m'a dit qu'elle m'aimait bien, et je piche tout maintenant, puisqu'elle était copine avec ma mère. Zélé, songeuse, continua d'observer encore un temps le petit village qui paraissait paisible. Ils avaient fait le tour de la clairière, vu les huttes sous tous leurs profils. Zoku, de son côté, avait dû capturer l'ensemble qui s'offrait à leurs yeux. Il n'y avait plus grand-chose à tirer de l'excursion. Karoa lui demanda s'il pouvait rejoindre leurs compagnons. Plutôt que de répondre, elle partagea avec lui ses réflexions. Ce serait intéressant de parler avec eux, de trouver le camp où ta mère et ton père se sont rendus, de savoir ce que la matriarche Elie Jodie leur a dit, proposa Zélé. Je t'ai dit, on n'a pas le droit de leur causer. N'as-tu pas envie d'en apprendre plus? Elie Jodie peut être encore en vie, ou elle aura transmis l'histoire à ses enfants. On n'a pas le droit de leur causer, je te dis. N'utilise pas cet argument avec moi, Karoa. Tu m'as toi-même avoué que tu leur rendais visite et que d'autres l'ont fait. Ouais, mais c'est pas pareil. Je leur ai toujours fait croire que je venais d'un autre village. Si on se pointe tous les quatre, ce sera plus crédible. Un villageois peut aller d'un camp à un autre sans trop de risques. Un groupe entier, jamais. Dans ce cas, nous pouvons procéder ainsi. Tu vas aborder ceux que tu connais déjà et tu leur demandes s'ils ont déjà entendu parler d'une certaine Elie Jodie. Quelles sont les chances qu'elle y ait vécu, ta matriarche, à ton avis? On ne risque rien de demander, Karoa. Le Nikéen ne sembla pas parfaitement convaincu, mais céda. Il intima à Zélé de ne pas bouger ou tenter de le suivre, alors qu'il se tapissait pour s'approcher du village tout en stratégie. Elle se demanda s'il procédait toujours ainsi ou s'il avait plusieurs techniques. La princesse se vit s'approcher d'une femelle qui entama la discussion dès qu'ils furent proches. Il n'y avait pas de doute quant à leur promiscuité établie. De là où elle se trouvait, elle pouvait observer les expressions de Karoa, et l'échange dura un petit moment. Zélé devait se soumettre aux limites imposées par son corps. Comme son implant lui manquait, elle aurait pu gérer son impatience en s'occupant sur le Rézarque. Mieux, si Karoa avait été implantée, elle aurait pu suivre leur conversation, au lieu d'essayer d'interpréter des demi-gestes et des mouvements de lèvres trop subtils pour être lus d'aussi loin. Karoa quitta finalement son interlocutrice, et prit le chemin inverse, utilisant la même ruse de camouflage, car il disparut du champ de vision de Zélé, et quelques minutes plus tard, il était à nouveau tapis à ses côtés sous le buisson. C'est à n'y rien comprendre. Nathalie Anne m'a dit que Elie Jodie vivait dans un camp à un peu plus d'une lieue d'ici, au sud-est. Elie Jodie est donc bien encore en vie? s'écria Zélé. De ce qu'elle en sait, ouais. Et elle est sûre de ce qu'elle dit. Leur matriage correspond avec elle. Mais je pige même pas comment elle peut être au courant. Leurs camps sont trop éloignés. Tentait de comprendre Karoa. Elle ne t'a pas donné plus de détails? J'aurais bien aimé, pour sûr, sauf que elle se posait des questions aussi, du coup, à cause des miennes. D'où je sortais ce nom et tout ça. Le camp qu'elle m'a indiqué, on le connaît déjà. J'ai jamais causé avec eux, mais le plus long tunnel des galeries est dans cette direction. On va pouvoir avancer sous terre quasi tout le temps. Pas de temps à perdre, on y va immédiatement, s'enthousiasma Zélé. C'est pas vraiment ce qui était prévu, Zélé. Ça va rallonger la sortie de beaucoup. S'inquiéta Karoa. Tu ne vas pas jouer les casaniers comme Ormain à ton tour, Karoa. Nous avons la possibilité de rencontrer Elie Jodie. Nous ne manquons pas cette occasion. Nous allons récupérer Zoku et Ormain et partons sur le champ. Le ton de Zélé avait été intransigeant, voire agressif. Karoa s'était presque senti menacé avant de se faire embrasser rageusement par la princesse. Le Nikéen interpréta ce geste comme une demande d'excuse et en profita pour placer quelques revendications. On pourrait pas rentrer d'abord au cœur des galeries pour prévenir les autres qu'on va aller plus loin que prévu? Le camp, là-bas, on est parti pour des heures. La journée, si on leur cause. Les autres vont s'inquiéter. Garlog, ne pouviez-vous donc pas évoluer au lieu de rester dans vos terriers et inventer un moyen de communication? Même lire et écrire, c'était trop compliqué. Sinon, tu n'aurais eu qu'à mettre un mot à cette trappe de sortie pour que les autres de ta tribu sachent que nous allions plus loin. Un pot au bout d'une ficelle. Même cela, je suis sûre que vous n'auriez pas eu la capacité mentale pour le trouver. Une bande de mâles vivant ensemble. Que pouvait-on espérer, vraiment? S'énerva Zélé. Sa tirade véhémente à peine crachée, Zélé quitta ensuite les lieux dans des bruissements de feuilles pour retrouver les deux autres compagnons. Karoa était resté quoi, face à tant d'injures? Il n'osa rétorquer et n'eut de toute façon pas le temps. Elle s'était déjà faufilée comme un serpent sous les buissons. Karoa se contenta de la suivre dans le chemin tracé. Le groupe s'était reformé pour rejoindre la trappe et arpenter les galeries plus en profondeur. À l'annonce de la prolongation de l'excursion, Ormain avait tenté de protester, mais face à l'argument Elie Jodie, il avait bien vite été réduit au silence. Zoku, bonne patte, était enthousiaste pour n'importe quelle aventure. Le ton dénué d'amabilité sur lequel Zélé avait ordonné la suite du programme n'avait pas manqué de jeter un froid. Le tunnel à suivre était une route tracée. Il n'y avait aucun embranchement. Zélé ouvrait la marche d'un pas vif, Zoku avançait, en deuxième position de la file, et Ormain retint Karoa en arrière pour l'interroger, conscient que quelque chose avait dû se passer. Qu'a-t-elle, Kawa? Zélé affiche un drôle d'air depuis que vous êtes revenu. Ah bon, tu trouves? Ouais, peut-être. C'est plus des sautes d'humeur, je dirais. Qu'avez-vous appris qu'il l'ait mise dans cet état? Rien, on a regardé le camp, on a fait le tour, normal. Mais sans se faire repérer, on a parlé. De quoi? Demanda Ormain. Les camps. D'où viennent ceux de la résistance? Pourquoi y a que des mâles, Xenia, quand elle et Makarada ont disparu? Expliqua Karoa. De Xenia? Mais pourquoi? S'étonna Ormain. Tu m'excuseras, mais si on cause qu'il n'y a que des mâles qui vivent là-dessous, la question de ta charmante épouse entre forcément en jeu. Qu'as-tu besoin de raconter ma vie privée? S'énerva Ormain. Privée? Le seul petit de toutes les galeries mariées qui vient parler de vie privée, je rêve. Je la connais pas beaucoup, Zélé, mais de vos réactions, j'ai plus l'impression que c'est depuis hier soir qu'elle est bizarre. Te fais pas de mouron, va. Elle avale des racines, on va lui faire un bide normal. Hier soir, ce matin, elle agissait un peu différemment, mais là, elle est presque comme hors d'elle. Je l'ai déjà vue énervée sur le PA, sauf que c'est en permanence maintenant, fit remarquer Ormain. Je m'occupe d'elle, t'inquiète, le rassura Karoa. Tiens donc, tu deviens son protecteur, d'où ça sort, ça? Écoute, Pépé, t'es marié, t'as ta famille, occupe-toi de les retrouver. Zélé et moi, on se gère. Pépé, je vais t'en apprendre une bonne. Zélé n'est pas beaucoup plus jeune que moi, elle a 16 ans. Oh non, mon petit père, tu te fourvoies. Si tu crois que notre chère et tendre amie a ton âge, t'imagines, je serai plus jeune qu'elle, ça colle pas. Elle a 16 ans sur sa planète. Ici, elle en a 12, dans. Il y a tout juste assez d'écart pour que tu puisses être son vieux, expliqua Karoa. Son père est bien plus vieux que moi. Qu'est-ce que tu me chantes? Ne comprenez pas Ormain. Je te parle pas de son vrai père, le grand roi de planète machin, mais d'une simple comparaison d'âge. Franchement, je vois bien, ta petite Makerada est à peu près comme elle aujourd'hui. Mac, ne parle pas d'elle, s'offusqua Ormain. Pourquoi? Tu n'arrêtes pas de dire que tu veux retrouver ta Xenia et ta Makerada, et je peux pas en parler? S'impatienta Karoa. Il y a tellement de choses qui changent en ce moment. Je suis revenue ici persuadée de trouver des indices sur l'endroit où elles auraient été conduites et... Depuis le carnet... Les larmes s'accumulèrent dans les yeux d'Ormaïn et il s'enfuit en tête du cortège, avant qu'il ne pût plus les retenir. Il remonta la petite file qu'ils formaient tous les quatre à se suivre à la queue leu-leu et marcha auprès de Zélé qui se força de répondre à son sourire. Karoa arriva à son tour. Zoku se retrouvait dernier, sans que cela ait l'air de le gêner. Il ne devait même pas s'en être rendu compte. Le beau Nikéen adressa un sourire charmeur à Zélé qui s'interrogea sur la présence soudaine des deux Nikéens à ses côtés. Karoa passa son bras autour des épaules de la jeune Upléenne, et elle posa sa tête contre son torse pour le reste du trajet jusqu'à la trappe de secours. De nouveau à la surface, c'était Karoa qui redevenait le commandant des opérations. Se frayer un chemin dans les hautes herbes en toute discrétion, préférer un détour pour rester davantage à couvert dans les fourrés, plutôt que de couper court. Quand la princesse arriva aux côtés du meneur de la troupe pour contempler ce qui lui faisait face au travers de la végétation, le petit village lui sembla en tout point similaire au précédent, même hutte dressée au milieu d'une clairière, un cours d'eau non loin. « Tu es sûr que c'est là, Karoa ?»« Affirmatif, Tatillon. »« Ce n'est pas le même village que tout à l'heure? Tu es certain que nous n'avons pas tourné en rond ?»« Zélé, nous autres, on pourrait pas se perdre, même si on nous balançait à l'autre bout du monde. On retrouve notre chemin, on sait naviguer. » la rassura Karoa. « Ce village est très différent, les huttes ne sont pas bâties de la même manière, et il est plus grand. Ne t'inquiète pas, Zélé, Kawai ne s'est pas trompé. » intervint Ormaïn. Vous avez fini avec vos leçons tous les deux? Si vous dites qu'on est au bon endroit, je vous crois. Ormaïn ne me dit pas que ces cabanes ne ressemblent pas aux autres, c'est les mêmes bouts de bois rafistolés avec trois cordages. » s'écria Zélé. Ormaïn se retint de citer plusieurs différences évidentes entre les huttes qu'ils avaient vues dans la matinée et celles qu'ils avaient sous les yeux en cet instant. Il avait la nette intuition que cela envenimerait davantage la conversation, et le regard que Zoku lui adressa le conforta dans cette idée. Je vais aller parler à Elijodie. Si elle est bien là, je vous ferai signe de me rejoindre, dit Zélé. Zélé, c'est à moi d'y aller, intervint Karoa. Pourquoi cela, Karoa? Tu ne les connais pas spécialement, et tu vas sans doute perdre du temps en bavasserie inutile comme ce matin. Discrète, se tortillant dans les fourrés, la princesse se leva une fois à l'orée de la clairière et arpenta le chemin qui menait au camp en toute tranquillité, comme si c'était là le lieu de son habitation habituelle. De dos, les autres la voyaient calquer sa démarche sur les esclaves et se fondre parmi eux. Rares, toutefois, sont ceux qui ne lui prêtèrent pas attention. Il n'est pas assez nombreux pour ne pas remarquer un nouveau visage. Au premier regard qui croisa le sien, Zélé demanda des informations sur la matriarche du carnet. L'accent très prononcé de son interlocutrice la déstabilisa un instant, dans son attitude assurée. Mais elle parvint à comprendre la réponse. Elle suivit la femelle dans une hutte où une vieille demeurait. Le hochement permanent de sa tête et ses yeux fermés auraient donné l'impression qu'elle dormait, si ses mains n'avaient pas été occupées à peler habilement des branches d'arbres. Deux nourrissons étaient couchés à quelques pas dans un berceau en rotin qui grinçait au rythme de ses balancements. Cette vision donna l'impression à Zélé d'être plongée dans un autre âge. Le tableau était tendre et paisible. La vieille redressa brusquement la tête, et l'air choqué de son visage effraya Zélé, quand ses paupières s'ouvrirent sur des orbites vides. « Xenia !»« Non, je m'appelle Zélé. C'est bien à son sujet que je viens. Le mari de Xenia est en dehors du camp, à l'orée de la clairière, avec deux autres compagnons. Peuvent-ils venir ?»« Tadiasana !» Le guide de Zélé déboula si rapidement dans l'encadrement de la porte que Zélé crut qu'elle les épiait hors de la hutte. « Cette petite est accompagnée. Ramène ses trois amis ici. »« Il ne faudrait pas qu'ils se fassent prendre. »« Ne t'inquiète pas, nous avons l'habitude. » répondit Elijodie. Tadiasana était repartie aussitôt, prenant l'ordre par sa tête penchée dans l'encadrement de la porte sans même entrer. « Pourquoi as-tu prononcé le nom de Xenia ? » Qu'ai-je fait qui t'ait fait penser à elle? Tu as sa démarche et son odeur. Ce doivent être les vêtements, je porte les siens, répondit Zélé. Elle vit donc dans les galeries, elle a bien épousé un des vôtres. Sans qui, Elijodie? Oui, nous avons lu le carnet qu'elle et ses amis ont écrit durant leur voyage. C'est ainsi que nous avons su qu'il fallait venir te voir, lui expliqua Zélé. Quand Karoa, Ormaïn et Zoku les rejoignirent, Zélé terminait le récit de son origine upléenne et de l'odyssée du mari de Xenia. La princesse fut coupée dans sa phrase par un geste d'Elijodi qui se leva doucement en murmurant « Karoa, je ne me trompe pas, j'en suis sûre. » Elle avança les bras tendus et l'enlaça, réajustant son étreinte et s'exclama qu'il était plus grand que son père. Des larmes coulèrent, jamais elle n'aurait pensé le revoir. Je ne te revois pas vraiment, mais je sens bien que tu es devenu un grand gaillard. Que faites-vous là alors? Qu'attendez-vous de ma vieille carcasse, en remuant ses souvenirs? Demanda Elie Jody. Xenia a disparu, et ma fille avec elle. Peut-être sais-tu où sont conduits les esclaves quand ils sont déportés par les mercenaires? Demanda Ormaïn. N'importe qui des villages aurait pu vous répondre. Je ne suis pas plus érudite que les autres. Nous savons qu'après les prélèvements, c'est ainsi qu'ils dénomment leur rapt. Tous les Nifiens des différents villages sont rassemblés dans la forteresse de leur secteur. Ils montent dans des vaisseaux plus gros que les simples véhicules utilisés quotidiennement par les mercenaires en ronde. Comment sais-tu que Xenia était son épouse, ou du moins qu'elle avait épousé quelqu'un? Demanda Zélé. Elie Jody soupira longuement, avant de débuter son histoire, secouant la tête. Après la tuerie des parents de Karoa et des autres membres du groupe, Xenia, seule, en quête de nourriture, ayant laissé le bébé dissimulé, s'était faite capturer par les mercenaires. Elle avait vécu des octantaines de jours prisonnière avant de s'échapper. Faible, elle avait retrouvé le chemin du camp et était allée demander de l'aide à Elie Jody. La matriarche lui avait alors dit de trouver refuge parmi les résistants, et tant pis pour les enfants qui pourraient naître de son union avec l'un d'eux. « Tu es au courant pour les galeries ?» s'étonna Zélé. « Nous le sommes tous. »« Tous ? Tous qui ?» demanda Ormaïn. « Les habitants de tous les villages, nous communiquons entre nous. D'où viennent les bébés que vous trouvez à votre avis? Nous abandonnons nos fils pour que vous les récupériez et qu'ils grandissent parmi vous. » expliqua Elie Jody. « Vous abandonnez sciemment vos enfants pour que nous les recueillions ?»« Bien sûr, Ormaïn. Vous croyez que nous laisserions nos nourrissons mourir de faim dans la forêt ?»« Je ne sais pas qui étaient les premiers mâles échappés qui ont commencé à vivre hors des camps et ont creusé les galeries. Vous-même, résistants, l'ignorez. Nous vous donnons sciemment nos fils pour constituer une population souterraine qui fomenterait une rébellion. Nous n'abandonnons que les fils pour éviter deux choses. » Que vous mouriez empoisonné en épousant vos sœurs sans le savoir, et que vous constituiez votre propre communauté avec vos familles, ne faisant plus une priorité de mettre un terme à l'oppression des mercenaires. Fournir que des fils ne supprimerait pas pour autant les possibilités de rencontre avec des individus du sexe opposé. Nous imaginions bien que vous viendriez aux abords des villages et qu'un contact serait établi. Pour éviter toute reproduction, nous avons lancé le mythe d'un lien fort et intense ressenti une fois dans l'existence. Liant deux partenaires à jamais. Puisque vous ne l'expérimenteriez jamais, vous ne vous attacheriez pas à l'une des nôtres. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est tout le contraire qui s'est produit. L'esprit est plus propice à croire des histoires absurdes quand elles le séduisent. À peine ressentiez-vous une petite attirance qu'il devait s'agir de là, de votre âme sœur. Cependant, l'effet fut presque le même que celui attendu. Les amoureux ont développé une fidélité à toute épreuve. Notre population est tout autant informée que moi. Nous éduquons nos enfants pour que les mêmes règles soient observées par chacun. Jamais aucune femelle d'ici ne vous succombera. Personne ne parvenait à croire ce que disait Elie Jody. Zoku aurait aimé une traduction, mais il ne fallait pas en attendre autant de la princesse qui était aussi abasourdie que les deux Nikéens. La matriarche interpréta justement leur silence par une attente de davantage d'explications, et son récit se poursuivit. Les villageois n'étaient pas de simples soumis, acceptant leur sort et celui fixé par leurs descendants. Elie Jody avait conscience que c'était là la vision que les résistants avaient d'eux. Les villages communiquaient entre eux par écrit, à l'aide de diverses espèces animales qui faisaient la navette pour porter les messages. Les habitants des différents villages ne se rencontraient presque jamais, mais ils y échangeaient beaucoup. Plusieurs années auparavant, ils s'étaient entendus pour ne plus offrir un seul enfant mercenaire. Aucune action de résistance physique n'avait été envisagée. Il s'était simplement agi pour les femelles de ne plus avoir d'enfants. Leur détermination était suffisamment forte, ils préféraient s'éteindre plutôt que de donner naissance à des esclaves. Les mercenaires furent perturbés quelque temps en constatant que plus un seul nouveau-né n'arrivait, et ils mirent en place leur solution au problème. L'insémination artificielle systématique de toutes les femelles sans exception, aussi bien celles tout juste en âge de procréer que celles venant d'accoucher. Les villageois en revinrent à la procréation naturelle très vite. C'était là leur première tentative de révolte. La seconde révolte fut d'abandonner les enfants dans la forêt, afin que les rares résistants s'y trouvant les recueillent et forment une communauté souterraine. Certains enfants étaient abandonnés, d'autres livrés aux mercenaires. Le choix se tirait au sort. Seulement, certains des geôliers observèrent que des femelles qu'ils avaient remarquées comme enceintes ne fournissaient pas toujours de rejetons. Un nouveau contrôle visant à poser une puce sous-cutanée à chaque femelle fut vite mis en place, informant les mercenaires de l'évolution de la grossesse. Si jamais il y avait une fausse couche ou un mort-né, le corps ne pouvait pas être enterré avant d'avoir été présenté aux mercenaires. Il était désormais impossible de dissimuler les naissances. Seul le nombre d'enfants délivrés à l'accouchement demeurait secret. Les jumeaux pouvaient alors être livrés aux habitants des galeries. Nous ignorons ce qu'il advient de ceux qui sont prélevés. Notre traitement diffère tant de ce qu'a connu ton père, Caroa. Nous avons du mal à penser que notre sort soit commun. Mais qui sait, peut-être les nôtres partent-ils aussi à l'abattoir. En tout cas, toi tu n'as pas de jumeaux, Caroa, et Xenia non plus. Ormain, tu en as sûrement un. Ne me demande pas qui sont tes parents. Je n'en sais rien, et je ne pourrais pas te dire si Xenia et ta fille sont en vie, et où elles auraient pu être amenées. Vous êtes aussi tordus que les mercenaires, vous décidez de nos vies, vous nous manipulez depuis le début. Laissant éclater sa rage, Caroa hurlait sur la matriarche qui restait de marbre. Zoku était désespéré de ne rien comprendre à ce qui se passait. Zélé avait cessé de traduire le récit depuis longtemps et pleurait en silence assis sur un tabouret. Le dialogue n'appartenait plus qu'au Nikéen et Ormain tentait de calmer le jeu. « Kawa, reprends-toi. Nous sommes tous des victimes des mercenaires. » « Les mercenaires jouent avec la vie de ces esclaves. Mais eux, ils ne valent pas mieux. Ils jouent aussi avec nos vies en décidant qui ils vont abandonner et laisser grandir sans ses parents. » S'énerva Karoa. « Tu sais bien que tes parents... » commença à expliquer Ormain. « Mais je ne parle pas de mon cas uniquement, Ormain, je parle de nous tous. Tu es clairement victime et tu peux encore regarder cette vieille folle en face. »« Vous avez le droit d'être scandalisé par ce que je viens de vous dire. Je vous demanderai simplement de rester discret. À hurler de la sorte, vous risquez d'attirer l'attention sur le village. »« Je gueule si je veux, la vieille !» s'écria Caroa. « Je vous propose de nous quitter. Je vous laisse digérer ce que je vous ai révélé et peut-être nous reparlerons, nous, un jour. Mais j'en doute fort. » Repensez à ce que je vous ai dit. Analysez, la colère se dissipera. Vous n'en parlerez pas à vos camarades des galeries. Je vous fais confiance. Votre but est de créer un soulèvement. Sachez maintenant que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Caroa était encore tendue et allait rétorquer quand des éructations firent se retourner tout le monde dans la direction de l'héritière. Elle vomissait tout ce qu'elle était parvenue à avaler depuis le matin. J'en ai assez, assez. « Rentrons sur Upléas, je n'en peux plus d'ici de ces histoires, de ces horreurs, de tout. » La pâleur et la faiblesse de la princesse unirent les trois mâles, qui s'activèrent à quitter les lieux tout en l'aidant. Le retour aux galeries fut pénible, Zélé était à moitié inconsciente. Caroa la porta sur près de la moitié du trajet. Zoku tenta de la soumettre à l'ingestion de quelques cuillerées de bouillon, sans résultat. De faibles délires s'échappaient de sa bouche, parfois. L'Upléen était traumatisé à la vue de l'héritière dans un tel état. Il tentait d'évacuer son stress en parlant à ses camarades, ignorant volontairement qu'ils ne le comprenaient pas. « Ormain, Caroa, il faut sustenter Zélé, un minimum avant le voyage du retour. Nous devons la faire manger et la faire reprendre ses esprits. Et ne plus retarder le départ. Dès que Vel parviendra à tenir debout, nous repartons à la Gilgo. » De nombreux résistants nikéens étaient réunis autour de la bouche de sortie de la galerie. Il souhaitait saluer la princesse Zélé, venue de la planète Upléas, et son compatriote, bien sûr, mais surtout faire leurs adieux à leurs amis, qui s'en repartaient avec les étrangers. Ils embarquèrent plusieurs sacs de victuailles, pour que Caroa et Ormain puissent manger en route, et Zoku s'en réjouissait, il avait pris goût à la gastronomie des galeries. En tant que princesse royale et héritière du trône de la planète Upléas, Zélé promit aux résistants de faire tout ce qui était en son pouvoir, pour leur venir en aide et pour libérer Nikéas de son oppression. Elle repartait, certes, sans enregistrement de l'organisation des mercenaires, mais elle leur assura que ce n'était pas le plus important. Par ce qu'ils avaient vu, elle disposait des éléments nécessaires pour agir, et le carnet constituait en lui-même une mine d'informations fort utile, et une analyse plus poussée pourrait peut-être révéler d'autres aspects. Cela paraissait tellement étrange à Zélé de s'en aller. Même si elle luttait pour ne pas s'effondrer de fatigue, elle s'était sentie chez elle, ici, dans ses galeries, au milieu de ses gens. Elle n'aurait pas eu de mal à s'habituer aux coutumes et pourquoi pas même participer au banquet. Ce monde aurait été un paradis si les mercenaires n'en avaient pas fait un enfer. Et la faim la taraudait, pas la faim de l'estomac qui gargouille comme Ormaïne après l'ingestion d'une pilule alimentaire. Elle, c'était le contraire. Elle pouvait boire des soupes et des jus de fruits et se forcer, encore pour remplir ses pauvres intestins atrophiés, elle n'était pas rassasiée. Elle avait besoin de plus, elle avait besoin de ce que lui apportaient les pilules alimentaires, justement. Et puis à boire autant, elle en avait mal au ventre. Elle se sentait gavée et vidée à la fois, gavée de breuvage et vidée de dionyme. Il lui fallait de la dionyme. Il fallait que son implant fonctionnât. Elle ne supportait plus, mais absolument plus du tout, sa déconnexion du Rezark. Jamais elle n'avait été privée de son utilisation aussi longtemps. Ce qu'elle endurait depuis près de 2 jours était bien pire que ce qu'elle vivait déjà difficilement lors des cours réels, dans la salle spéciale du palais, au mur ne laissant rien passer. Pendant ses leçons, elle savait que ça ne durait qu'un temps précis, et qu'au franchissement du sas, elle ressentait ce frisson particulier où son corps, son cerveau, l'informait que tout était rentré dans l'ordre. Le frisson libérateur se faisait trop attendre. C'était une douleur lancinante qui rongeait son esprit et lui tiraillait ses os de cartilage. Cela quadruplait cette insoutenable sensation. Sans accès au Rezark, pour vérifier ce qu'elle disait, elle en venait à douter de réalités élémentaires. La folie était un gouffre dans lequel elle allait se précipiter si elle n'ingérait pas bientôt ses pilules.